Aïe à la bas au père, à émal à peine, bonac, le tabaram, un petit autre fait. Aïe le nivelle, ma doua di prati, redina, et se dit, pour une aïe Yeah.